Algérie 1835. À cette date, la colonisation s'installe, mais la conquête est loin d'être terminée, puisque seules les régions côtières sont occupées. En dehors de l'armée, quelques rares civils arrivent et commencent à prendre pied autour d'Alger. Cette année-là, en 1835, une religieuse de 38 ans, Émilie de Vialard, débarquait en Algérie avec quelques-unes de ses sœurs. Les hasards de la vie l'amenaient dans ce pays pour aider les pauvres et les malades, se mettre au service des populations. Il y avait à peine 4 ans qu'elle avait fondé une congrégation, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. Quelle fut la place de cette Française située par ses activités caritatives à la confluence de deux mondes ? Les vainqueurs dans le sillage desquels elle arrivait, et les populations de la nouvelle colonie, européennes et autochtones, auprès desquelles elle venait exercer la charité. Pour répondre à cette question, il était nécessaire d'étudier les relations qu'elle eut avec les uns et avec les autres. Militaires, administrateurs civils, minorités européennes présentes en Algérie, populations musulmanes et israélites. Le problème des sources se posa. Les archives de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph étant privées et difficiles d'accès. Néanmoins, provenant de ce fonds, furent étudiées 116 lettres écrites par Émilie de Vialard, en particulier aux religieuses qu'elle envoyait dans ses diverses fondations. Et puis, un second fonds privé m'a été ouvert. Ce fonds rassemble aussi bien des documents inédits que les publications les plus variées la concernant. Biographies, articles de presse, essais divers. Parmi cette documentation publiée, il convient de mentionner « Souvenirs et documents » édité en 1901, qui contient entre autres la correspondance d'Émilie de Vialard avec bon nombre de ceux qu'elle côtoya, y compris les lettres ou les réponses de ses interlocuteurs, ainsi que de précieuses notes explicatives. C'est cette publication qui a servi de base à mon étude, ainsi bien sûr que les 116 lettres mentionnées. Née à Gaillac dans le Tarn en 1797, Émilie de Vialard appartient à une famille bourgeoise, à la fois provinciale et parisienne, anoblie au cours de son histoire, et que les circonstances placent à l'époque de la naissance d'Émilie entre l'Ancien Régime et le siècle des Lumières. Elle reçut une éducation où se mêlèrent ses influences diverses. En 1832, la mort de son grand-père maternel lui laissait sa part de la succession de sa mère. Indépendante financièrement, elle pouvait désormais réaliser ses projets, fonder une congrégation missionnaire. L'époque était porteuse à ce sujet. Le XIXe siècle connaissait un essor extraordinaire des missions étrangères, en particulier des congrégations missionnaires féminines. Une opportunité allait bientôt pousser la jeune femme à quitter le Gabon. Parmi les jeunes colons installés très tôt en Algérie, dès 1832, à la suite des militaires, il y avait son frère, Augustin de Vialard. Il avait acheté des terres dans les environs d'Alger, où l'armée avait installé un camp. Touché par la misère des autochtones, il fait ouvrir à ses frais, à côté du camp, une ambulance, une sorte de dispensaire, destinée aux indigènes malades, œuvre qu'il arrive à financer en faisant appel à la générosité de ses concitoyens. Et pour assurer les soins, c'est à sa sœur qu'il écrit, lui demandant de venir. Elle arrive à Alger le 3 août 1835 avec 3 sœurs, dans une ville durement frappée par une épidémie de choléra. Sans relâche, elle court de l'ambulance du camp à l'hôpital d'Alger, jusqu'à ce que la situation se calme. À ces quelques religieuses, les autorités laissent le social, suivant l'organisation de la société en France à l'époque. Ces sœurs hospitalières, qui accomplissaient jusqu'aux tâches les plus ingrates pour le service des malades, ne reçurent aucune rémunération pendant les 2 ou 3 premières années. Émilie de Vialard assuma à cette époque tous les frais de sa communauté et même parfois ce qu'elle jugeait bon pour le mieux-être des malades. Les besoins en personnel deviennent vite importants. La supérieure demande sans cesse au noviciat qu'elle a créé à Gaillac de lui envoyer des religieuses. Les fondations se succèdent. Plus de 80 sœurs travaillèrent en Algérie entre 1835 et 1842. Qui sont ces malades, ces démunis qu'elles soignent et réconfortent? Émilie de Vialard nous renseigne dans un rapport, entre autres, dans un rapport au pape Grégoire XVI, écrit en 1839. À son arrivée à Alger, le choléra y faisait tellement de victimes, surtout parmi les Israélites, qu'elle créa une ambulance pour eux. Dans ce même rapport, elle parle de la population musulmane, leur dévouement ayant été apprécié. Je cite, nous reçûmes de nombreux témoignages de la reconnaissance des habitants, sans distinction de religion. Lorsque le fléau fut apaisé, nous nous occupâmes spécialement à soigner les malades. Soit chez nous, soit dans les maisons de la ville, notre sexe nous permettant de nous introduire auprès des femmes mauresques qui, le plus souvent, ne recevaient aucun secours dans leur maladie. On pourrait relever avec profusion dans les documents consultés tous ceux dont elles s'occupaient. Jeunes filles en danger, nouveau-nés abandonnés, enfants des rues, soldats en instance de conseil de guerre, prisonniers et malheureux de toute nationalité. Parallèlement, elles créèrent des écoles, classe après classe, où venaient des fillettes de toutes les races, en particulier des petites israélites et même des musulmanes. Il y avait peu de françaises, peu d'européennes en cette première décennie de la colonisation. Par le choix qu'elle avait fait en fondant une congrégation missionnaire, Émilie Vialard adhérait à un idéal, celui qu'elle définit ainsi dans ses constitutions. L'esprit particulier de cette congrégation, formule-t-elle, est d'exercer les œuvres de charité dans les pays infidèles. De quelle façon Émilie Vialard et ses sœurs ont-elles exercé cette mission? Leur constitution exigeant qu'elles s'occupent de tous ceux qui avaient besoin d'elles, sans distinction de race et de religion. En premier lieu, quel regard posent ces patients, les secourus, sur les sœurs? Voici ce que note, entre autres, de Constantine, l'abbé Suchet, prêtre de la paroisse. Depuis qu'elles sont ici, il y a foule du matin au soir de malades indigènes. Partout, on se les arrache. Les débuts des sœurs en Algérie, vu le travail qu'elles assument, en dépit de leur petit nombre, connaissent vite le succès. Les autorités administratives ou militaires les appellent dans d'autres villes, à Oran, Rougy, Beaune. Parce qu'elles avaient été appelées en Algérie et qu'on avait besoin d'elles, leur œuvre était reconnue et respectée par la plupart des civils et des militaires, des populations autochtones comme européennes. L'attitude reconnaissante de ces populations n'est pas attestée que par Émilie de Vialard elle-même. Les documents émanant d'origines diverses ne manquent pas. Telle la pétition signée le 11 octobre 1841 par des muftis, des cadis et des oulémas d'Alger en sa faveur. Cependant, de nombreuses difficultés sont en germe pour les religieuses et ne feront que se renforcer au fil des années. Une fausse note apparaît dès 1837, même si la question soulevée se régla vite. En mars 1839, dans le rapport à Grégoire XVI déjà évoqué, Émilie Vialard retrace les débuts de sa congrégation dans ce pays. À un moment du rapport, elle portait à la connaissance du pape le fait que le conseil municipal d'Alger avait hésité, en 1837, à renouveler leur engagement à l'hospice de la ville, je cite, « par crainte qu'elle ne se livre à de la propagande religieuse ». Sur les 20 membres du conseil, précise-t-elle, il y avait 6 israélites et 3 musulmans. C'est grâce à eux qu'elles furent lavées de tout soupçon. Voici ce qu'elle écrit. Ces bruits se sont bientôt dissipés et nous avons eu la satisfaction de voir les malades musulmans et israélites élever leur voix en notre faveur. Nous avons dû cette manifestation continue des indigènes à l'extrême prudence que nous nous sommes imposés. Nous avons reconnu qu'ici, toute conversion éclatante serait inopportune, qu'elle éloignerait de nous beaucoup d'Européens et nous fermerait à jamais l'oreille des indigènes. Nous cherchons d'abord à faire aimer et respecter notre religion. Peut-on faire le point sur cette question? On constate en effet qu'Émilie Vialard s'est montrée fort prudente dans ce domaine. Ayant abandonné toute idée de conversion, si tant est qu'elle en eût, elle se consacrait aux soins des malades et à l'instruction des enfants, fidèle à l'esprit qu'elle avait donné à ses constitutions. On peut citer une de ses remarques à propos d'une classe gratuite qu'elle venait d'ouvrir. Dans cette classe se trouve un grand nombre de juifs et même quelques mauresques. Ces jeunes filles reçoivent de nous une instruction, quoique nous ne leur donnions pas directement une instruction religieuse, comme nous le faisons à l'égard des catholiques. Car si conversion il y eut, elles furent peu nombreuses, et circonscrites aux 2 ou 3 premières années en Algérie, d'après les sources consultées, où l'on n'en trouve que de rares échos. Ces faits ne se rapportaient pas d'ailleurs qu'aux musulmans. Émilie Vialard signale qu'elle a assisté, au moment de leur mort, à la conversion de quelques protestants ou qu'elle a ramené à la foi des chrétiens qui s'étaient éloignés de leur religion. On peut noter aussi que les rares fois où son nom apparaît dans des affaires de conversion, elle semble ne pas en avoir eu l'initiative. Et en tout cas, dès les premières années d'existence de sa congrégation, elle se tint à distance de tout prosélytisme. D'ailleurs, tout à fait consciente des problèmes posés par leur présence même en Algérie, en tant qu'ordre missionnaire, Émilie Vialard écrivait en 1842 « Nous avons triomphé des préjugés que notre habit pouvait inspirer aux populations d'une autre croyance. Nous avons su inspirer confiance et respect aux juifs et aux musulmans, tout aussi bien qu'aux chrétiens eux-mêmes. » D'où provenaient malgré tout ces suspicions de propagande religieuse? Il y avait à cette époque, établi en Algérie, un groupe de Saint-Simoniens dont le représentant le plus actif était Ismaïl Urbain, un interprète attaché à l'armée d'Afrique, converti à l'islam et correspondant en Algérie du journal des débats. Les Saint-Simoniens prônaient le rapprochement entre les peuples, entre Orient et Occident, et une coopération basée sur le partage des ressources et des responsabilités. Comme la plupart des chefs militaires en Algérie sous la monarchie de Juillet, et plus tard sous Napoléon III, ils étaient hostiles à toute politique de christianisation. Mais les coups les plus rudes lui vinrent de sa propre hiérarchie, peu après l'arrivée du premier évêque d'Alger, Monseigneur Dupuche, en 1839. À partir de là, Émilie Vialard se trouva prise dans un tourbillon d'influences contraires qui rendirent instables tous les soutiens qu'elle avait pu avoir dans ses premières années, n'en épargnant aucun, ni ceux des militaires, ni ceux du Vatican. Car la supérieure comprend vite que l'évêque entend organiser cette présence catholique comme bon lui semble et diriger lui-même la congrégation. Lui aussi a des projets, envisage de fonder des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, et il entend bien utiliser les sœurs de Saint-Joseph, déjà bien implantées, au service de ses desseins. À son arrivée, elles étaient en effet au nombre de 60, répartis dans les diverses fondations du pays. Émilie Vialard refuse de se soumettre. Les événements se précipitent. Bientôt l'évêque ne les reconnaît plus comme institution religieuse, les ravalant au rang de dames de charité, pendant qu'il fait venir de France d'autres congrégations pour les remplacer. Pour sortir de l'impasse, Émilie Vialard décide d'aller à Rome, plaider sa cause auprès du pape et tenter de se soustraire à la domination de l'évêque. Le conflit prend alors une tournure politique, voire idéologique. Il ne s'agit plus seulement d'un conflit d'autorité suscité par un évêque imbu de son pouvoir et refusant de collaborer avec des femmes qu'il considère comme subalternes. En effet, pour avoir plus de poids dans sa lutte, elle a besoin d'une reconnaissance officielle de sa congrégation et c'est de Rome qu'elle veut l'obtenir. Dans le cadre des missions étrangères, elle est sous le patronage de la propagation de la foi, dont le siège est à Rome. Mais sa présence en ces lieux n'est pas marquée que de succès. Des influences, là encore souterraines et complexes, jouent contre elle. Son refus de reconnaître l'évêque d'Alger comme son supérieur hiérarchique pouvait réveiller une vieille querelle, celle de l'Église de France et du gallicanisme. Et le chef à Rome de la congrégation des évêques veut éviter toute incidence avec l'épiscopat français. Après une longue attente et une reconnaissance seulement officieuse de sa congrégation, elle est informée des décisions du gouvernement français à son égard. Elle devra se démettre de toutes ses fonctions en Algérie. Le pape avait fini par se désengager de l'affaire quand le gouvernement français, pour trancher le conflit, avait décidé le départ des sœurs. Il ne pouvait plus intervenir dans les décisions de la France. Ainsi, Émilie Vialard avait perdu la partie en Algérie. La décision fut brutale. Les sœurs devaient sans attendre laisser la place aux religieuses que l'évêque d'Alger avait fait venir. La supérieure tenta jusqu'au bout de combattre l'adversité. Vers le mois de juin 1842, elle écrivit un rapport au secrétaire d'État du département de la guerre où elle rappelait toute son œuvre en Algérie. En 1842, elle quitta donc l'Algérie pour la Tunisie, où elle s'était installée dès 1840, soit plus de 40 années avant l'établissement du protectorat français sur ce pays, échappant ainsi pour un temps au contexte colonial. Émilie Vialard avait eu en effet le soutien des chefs militaires, puisqu'ils avaient approuvé son action. En 1835, le ministère de la guerre lui avait accordé le passage pour l'Algérie, en toute connaissance de cause. Par ailleurs, elle est en relation constante avec les militaires pour les affaires du quotidien. Et c'est une autorité militaire qui, en 1839, est à l'origine d'une nouvelle fondation à Constantine, où les soldats malades et les populations locales avaient besoin du service des religieuses. beaucoup plus tard, en 1850, dans un discours officiel. Le maréchal Bugeaud reconnaîtra la valeur de leur action, la valeur de leur action de charité et d'éducation en même temps que leur courage. À l'époque de leur expulsion, il avait exprimé sa désapprobation au maréchal Soult. Je cite : C'est un grand tort que nous fait l'évêque, en forçant ces dames à s'en aller. Elles sont partout regrettées. Elles faisaient beaucoup de bien et ne coûtaient rien ou presque. Quelle conclusion ? Quels enseignements pouvons-nous tirer de l'étude des relations d'Émilie de Vialard avec les différents groupes humains qu'elle côtoya et qui permettraient de répondre à la question initiale ? Quelle place fut la sienne dans le contexte de cette société coloniale en construction où les femmes avaient peu d'espace pour s'affirmer ? Dans l'ouvrage qu'elle a consacré aux congrégations missionnaires féminines, Elisabeth Dufourcq pose la question : les religieuses missionnaires au XIXe siècle furent-elles des héroïnes ou des impérialistes ? Ces dernières mettant leurs ailes à conquérir les âmes de la même façon que les militaires annexaient les terres. S'il est exact que de 1835 à 1842, les sœurs de Saint-Joseph exercèrent leur apostolat dans les pas de l'armée, avec l'assentiment de ses chefs, aucun des nombreux documents consultés n'autorise à faire de cette congrégation un auxiliaire de la conquête française en Algérie, où elles sont arrivées par hasard. Elles auraient pu de même être appelées n'importe où. Émilie de Vialard n'a jamais eu de plan préétabli. Elle se fixait là où se présentait une opportunité. Par exemple, à Malte, où elle fit quelques-unes de ses plus belles fondations, elle fut poussée par la tempête, alors qu'elle avait pris la mer pour rejoindre Alger. On pourrait ainsi trouver un exemple de ce type pour chaque fondation. L'action d'Émilie de Vialard de même ne s'inscrivait dans aucun projet politique. Cependant, parce qu'elle avait pris racine dans un contexte colonial, certains acteurs ou commentateurs de l'époque essayèrent de la récupérer pour lui donner une autre résonance. Mais elle dépassait tout sentiment nationaliste attaché à l'universalité du catholicisme. Pour conclure, l'échec d'Émilie de Vialard en Algérie ne peut pas être considéré comme une défaite. C'était au contraire l'affirmation de la volonté sans faille d'une femme à la trajectoire singulière, qui choisit de rester fidèle aux règles que sa vocation lui avait dictées plutôt qu'accepter le reniement. Ce fut pour elle un épisode difficile à vivre, qui la laissait dans les difficultés financières, mais vite dépassée pour mieux rebondir ailleurs. Quand elle se rendit compte qu'elle avait perdu la partie, la pression contre elle s'étant faite trop forte de tous côtés, elle lâcha prise. Il se trouve que cette pression qui la fit expulser d'Algérie, où elle abandonna sans contrepartie tout ce qu'elle avait créé en y laissant sa fortune, se trouva incarnée par des hommes, ceux à qui elle avait eu affaire pendant ces années-là, militaires, ecclésiastiques ou civils. Tant qu'elle resta dans les normes de son rôle d'hospitalière ou d'enseignante, à la place qu'on lui avait assignée, elle fut aidée et appelée à multiplier les fondations. Mais du jour où elle dérangea cet ordre établi, elle n'y trouva plus sa place et fut exclue. Ainsi, en dépit des nombreuses manifestations de gratitude qu'elles reçurent de la part de ceux dont elles adoucirent les misères, les sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition furent remplacées par d'autres congrégations féminines, plus dociles aux diverses influences qui jouèrent en Algérie en ces premiers temps de la colonisation.